y'a rien à faire, je suis malheureux sans toi, y'a rien à faire, tu me manques et puis voilà, y'a rien à faire, les autres ne te remplacent pas, y'a rien à faire. J'ai beau essayer, et que toi que j'aime comme ça, j'ai beau essayer, y'a que toi que j'aime comme ça, j'ai beau essayer, y'a que toi que j'aime comme ça, y'a rien à faire, pourquoi on ne se voit pas, y'a rien à faire. Comment faire pour réparer tout ça? Y'a rien à faire. Je suis en train de périmer sans toi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Y'a rien à faire. Ne m'abandonne pas. Y'a rien à faire. Sauf toi. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-toi. Y'a rien à faire, tu me manques et puis voilà. Y'a rien à faire, je suis